En fait, t'as tué ma best, tu l'as enterrée. Si t'as la mémoire courte, je vais tout te rappeler. L'époque où tu faisais du bis, tu te prenais pour Franck Lucas. Pendant les perquises, elle cachait ton Beretta. Pendant tes bétons, elle t'assumait mieux que ta mère. T'as jamais eu de parloir fantôme, toi t'as jamais vu Casper. Elle te lavait ton linge, te le ramenait sans aucun pli. Même pour tes co-détenus, elle faisait rentrer du ch. Vu que c'était ta titulaire, pour toi la mouille et le maillot. C'était ta première dame, mais toi t'es le dernier des salauds. Tu lui faisais de la peine quand tu faisais des yo-yo. C'est pas comme manger la haine, ce que je te souhaite. Oh yo yo. Elle attendait que tu sois libre pour retrouver sa joie de vivre. Tes doigts maintenant tu fuis, tu l'abandonnes depuis que t'es freedom. T'as changé depuis que t'es freedom. T'as disparu depuis que t'es freedom. T'es plus le même qu'avant d'être freedom. Tu l'as quitté depuis que t'es free. À quel moment donné t'es permis de déconner. Ensemble vous visiez le sommet. Ensemble vous deviez décoller. Pas lui faire vivre les montagnes russes ou lui faire faire une randonnée. Je regrette les fois où je lui disais te pardonner. Dès le début j'aurais mis fin, je lui aurais dû t'abandonner. Y'avait un message subliminal qu'elle a pas décodé. Je lui ai raconté ton dos pour qu'elle soit là pour t'épauler. Vu que c'était ta titulaire, pour toi la mouille et le maillot. C'était ta première dame, mais toi t'es le dernier des salauds. Tu lui faisais de la peine quand tu faisais des yo-yo. C'est pas comme manger la haine, ce que je te souhaite. Oh yo yo. Elle attendait que tu sois libre pour retrouver sa joie de vivre. Tes doigts maintenant tu fuis, tu l'abandonnes depuis que t'es freedom. T'as changé depuis que t'es freedom. T'as disparu depuis que t'es freedom. T'es plus le même qu'avant d'être freedom. Tu l'as quitté depuis que t'es freedom. Dans ta tête, dans son cœur, elle est prisonnière. Toi dedans t'étais un autre, dehors t'es devenu bipolaire. Mais je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Freedom dans sa tête, dans son cœur, elle est prisonnière. Toi dedans t'étais un autre, dehors t'es devenu bipolaire. Mais je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Elle attendait que tu sois là.